Salut Charline. Vous savez qu'on reçoit Jean-Claude Carrière. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Moi, ça m'angoisse. Ouais, parce que le mec, c'est un génie là. Ouais, il a travaillé avec Forman, ouais. Louis Malle, ouais. Buñuel. Ah, ça va nous changer de Bernard Minet. Là. Ouais, il était super, Bernard Minet. Ouais, mais il a travaillé avec Bioman, Goldorak, Ken le Survivant. C'est chose que Buñuel. Tu te rends compte que Carrière, qui bosse avec Buñuel, il a bossé avec Dali. Tu vois le vertige. Qui exactement Dali? Ah, Dali, c'est un type qui racontait un peu n'importe quoi, mais qui était un grand artiste. Ouais, c'est une sorte d'André Manoukian. Voilà. Enfin, vous inquiétez pas, Jean-Claude Carrière, c'est un type normal. Non, mais attends, il a aussi bossé avec Godard. Enfin, tu vois. Ce qui nous ramène à Bernard-Henri Lévy. Godard a beaucoup travaillé avec l'Entarteur, qui a énormément bossé avec Bernard-Henri Lévy. Ah, et ce qui est bien, c'est qu'avec BHL, philosophiquement, ça nous rapproche de Bernard Minet. Du coup. Ah, bah ouais. Donc on respecte Jean-Claude Carrière, enfin on s'amuse aussi, c'est un homme qui a beaucoup d'humour. Est-ce que t'es sûr de ça Ah oui, pourquoi est-ce que t'as un doute Parce qu'il a travaillé avec Michael Haneke. Ah, moi j'ai vu les 3 derniers films d'Haneke, il n'y a pas une seule vanne. Les filles, pour la doc sur Jean-Claude Carrière, faites-moi plutôt une liste des gens avec lesquels il n'a pas travaillé. On gagnera du temps. On choisit d'abord les sujets. Oui, le bac histoire. Carrière, il maîtrise ça. On va voir là. Ah oui, ça, il y a des chances, évidemment. Je prends Gérard Depardieu. Oh bah non, on va avoir la honte. Il maîtrise tout. Évidemment, c'est sûr, il a travaillé avec. Ah, ouais, t'auras travaillé tout le monde. Les propos du pape sur l'écologie. Ah, a priori, ça, pas bossé avec le pape. Mais il maîtrise les sujets religieux. Voilà, d'autres sujets. Les gars, vous vous rendez quand même bien compte qu'on choisit pas les invités parce qu'ils sont moins forts que vous en actu. Ouais, mais ici, quand même, c'est violent. Bon, je peux être honnête avec vous. Même Bernard Minet, il était plus pertinent que vous. Heureusement, il reste Manoukian. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui prend l'actualité avec philosophie. Et voici les 3 informations qu'on va remettre en question jusqu'à 18h. À Versailles, les correcteurs du bac sont priés de ne pas être trop sévères, car l'Académie de Versailles est loin dans le classement, loin derrière la Corse, et pour Versailles, ça la fout mal. Moi, mon avenir est tout tracé. Bac ou pas bac, je serai ministre au minimum. Habemus, une encyclique sur l'environnement. Le pape prêche la conversion à l'écologie. Et ça tombe bien, puisque c'est le pape des pauvres. Ah bah justement, c'est ça sa politique écologique. Il consomme moins, Franck. Plus il y a de pauvres, mieux c'est pour la planète. Gérard Depardieu est de retour dans ce qu'il fait de mieux, le cinéma. Depardieu, un sujet qui passionne la France, parce que la France se passionne pour ce qui est déraisonnable. Hé, tu sais avec quoi j'ai allumé mon barbecue? Non. Avec mes feuilles d'impôts. Et pour s'emparer de ces informations, je suis accompagnée du penseur de la blague, Alex Vizorek. On n'est pas sauvé alors. Bonjour Charline Vanhoenacker et autour de cette table, l'équipe type à 17h20. Quand Pierre Bachelet a dit « Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs », il parlait sans doute d'une de ses chroniques. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex. De quoi va-t-on parler? Bonjour Charline, on va parler d'un musicien d'ailleurs. D'un musicien que j'affectionne tout particulièrement, un musicien qui fait le lien entre l'Orient et l'Occident. C'est un musicien turc qui a fait ses études à Montréal, qui a mis un petit peu de techno sur la musique soufie et il s'appelle Merkan Dede. Qui n'est pas de hasard. Du pardon en tout cas André. Et à 17h30, quand Pierre Vassiliou a écrit qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là, il pensait sans doute à lui. Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Eh bien les épreuves du bac ont donc commencé ce matin avec la philo. Je suis allé devant Alice. C'est à la rencontre des élèves qui pensent que... En général, et ça a été prouvé statistiquement, que plus on vient aux épreuves de bac, plus on a de chance de l'avoir. Eh oui, c'est pas faux. Pas faux du tout. Belle analyse. Pertinent cette année, à 17h40, quand Jean-Jacques Goldman a écrit « Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. » Comme toutes les paroles qu'il a écrites, c'était pour elle et je suis probablement ce pigeon. Bonjour Clara Dupont-Menot. Bonjour Alex, mais je ne vis pas encore par procuration. Mais je sais bien, malheureusement. De quoi va-t-on parler? Eh bien du livre de notre invité. Faites fuiter vos questions ou vos idées sur Twitter et Facebook. Faites car nous fuiter. Voilà, parce que nous sommes terriblement modernes. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Gaston Doumergue. Vous co-scénarisez Belle de jour, le film de Buñuel en 67, quand Marilyn passe sous... le pinceau d'Andy Warhol dans 9 couleurs différentes. Vous recevez le César du meilleur scénario pour Le retour de Martin Guerre en 83. C'est l'année où la retraite passe à 60 ans. Vous recevez un Oscar d'honneur à Hollywood en 2014, quand la place Vendôme est honorée, elle aussi, par un plug de Noël. Je vous laisse nous annoncer de votre voix connue dans le monde entier. Vous êtes... Vous voulez savoir mon nom? C'est oui, ça. J'aimerais. Jean-Claude Carrière. Oh, Jean-Claude Carrière est avec nous. Redites-le parce que je réalise pas très bien. Je n'ai même pas de pseudonyme. C'est vrai, c'est bien lui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Voilà, je crois qu'on a assez bien résumé votre carrière, hein, Jean-Claude Carrière, oui, ça oui, c'est oui. sûr, en trois points, donc c'est fait. La dernière actualité de Jean-Claude Carrière, c'est cet ouvrage, Utopie, quand reviendras-tu ? Des entretiens avec Gilles Van der Potten. Que nous prononçons bien car nous sommes belges, j'imagine. Je crois, oui, je crois. Ah, je le confirme. C'est ça que je dis, oui. Sous-titré Vers une folie salutaire, c'est publié aux éditions de l'Aube. Clara Dupont-Monod va chroniquer tout à l'heure votre ouvrage, Jean-Claude Carrière. Vous avez notamment la dent dure avec le politique, et pourtant il s'agit aussi d'utopie, c'est bien le titre de votre ouvrage. Clara Dupont-Monod. Oui, parce que dans votre livre, Jean-Claude Carrière, il y a, dans votre titre, pardon, il y a le mot utopie. Et pourtant, vous vous dites assez distant de la politique. Vous n'avez jamais été militant, vous n'avez jamais été encarté. Non, j'ai toujours eu des opinions plutôt de gauche. J'ai toujours voté pour ce qui me semblait bon, mais je n'ai jamais eu une carte, en effet, de quelque parti que ce soit. Et pourtant, il y a utopie dans votre titre. Parce que vous savez, l'esprit de parti n'est qu'une partie de l'esprit. Oh, bim. André Manoukian prend des notes d'ailleurs. On a mis à la barre. C'est vrai que Bernard Minet, il a pas dit un truc comme ça. C'est sûr. Mais bon, ouais, il a fait Bioman. Mais pourtant, vous mettez utopie dans votre titre. Utopie, quand reviendras-tu ? Oui, j'avais déjà écrit un livre qui s'appelait Les années d'utopie, que j'ai vécu en grande partie à New York en 68, 69, 70, et qui sont la dernière utopie que nous ayons vécue, celle des hippies. Il suffisait de se coucher dans l'herbe, de fumer un joint, et le monde allait changer. Et pas se laver aussi, hein, on va dire. Oui. C'était surtout ça, l'utopie. Oui, on fait ça, il y en a d'autres qui ne se lavent pas. C'est vrai. Mais vous avez été écologiste pendant un moment, vous dites oui, que... Oui, j'ai été ouais. Avant ça, dans les années 67, 68. À Terre des Hommes, notamment. Un des fondateurs de Terre des Hommes. Oui, ah, pourquoi vous ne l'êtes plus ? Je le suis toujours. Ah, voilà. Je le suis toujours, mais je ne vote plus écologique parce que je trouve que... Les écolos, à force de nous mettre en garde, à juste titre, contre toutes les pollutions et contaminations qui nous entourent, se sont laissés gagner par la pollution politique. Je trouve qu'ils ont pris des mœurs, des coutumes, des rivalités qui sont celles que pratiquement ils critiquaient auparavant. Donc ils ont appliqué ce qu'ils dénonçaient. Exactement. Salut Jean-Vincent Placé. on parlait d'écologistes. Vous parlez dans le livre d'agressivité même de la part des écologistes. Ah, il y a même un terrorisme écologique. Un terrorisme vert. Aux États-Unis, ça existe, le terrorisme vert, et ça nous menace comme tous les terrorismes. L'écologie est un sujet tellement vaste qu'il est très très difficile de l'aborder. Même, il faudra parler du pape à l'occasion. Oui, bien sûr, évidemment. Alors, à côté de la menace Khmer Vert, il y a aussi la menace entre guillemets FN. Mais alors, vous dites quelque chose d'assez intéressant dans votre livre. Qui est un peu plus menaçante, quand même. On ne peut pas vraiment que... mettre les deux sur le même niveau. Non, mais je sais, Guillaume Meurice. Mais voilà. Vous dites notamment que vous proposez en fait que le FN soit au pouvoir pendant 2 ou 3 ans. Et oui. Vous dites, on verra bien ce qui se passera. Oui, on le sait déjà. On voit déjà le résultat. Et je crois que c'est souvent la meilleure façon de discréditer à jamais telle ou telle tendance politique, voire artistique. Là, c'était, mettons le FN au pouvoir, 3 ans après, la France est dans les rues. Mais ça s'est déjà passé à Orange, par exemple. Et regardez, ça n'a pas empêché les gens de se rallier au FN. C'était pas vraiment le pouvoir national, là. C'était quand même un pouvoir... municipal. Restreint, ouais. Donc il faut encore faire le bilan. Parce que... Bah oui, c'est ça, ça a été fiasco quand même. Non, mais il est réélu aussi. Il est réélu. C'est le problème. Je ne vais pas vous contrarier dans vos opinions. Hein. On discute. Si ce sont les vôtres. Vous savez, il y a plein de truffes qui sont réélus. Hein. Oh là, ça oui, on en connaît. On en connaît. Même récemment, ce week-end, il y a eu de la truffe en réélection. Ça, c'est tout le temps. Cela dit, je trouve un peu facile de taper constamment sur les hommes politiques ou les femmes, quels qu'ils soient, parce que j'en ai connu quelques-uns de près. Ah, alors vos dénoms alors, Jean-Claude Carrière. C'est un boulot très très très difficile. Et ingrat. J'ai passé toute une journée un jour avec Claude Allègre, quand il était ministre. Aïe. Ça c'est difficile de faire ça déjà. 5h30 du matin à 3h du matin, ça n'arrête pas. Mais est-ce qu'il travaille beaucoup ou est-ce qu'il fait beaucoup de médias ? Non, c'était beaucoup de déplacements. Ce jour-là, il devait répondre aux questions à l'Assemblée, donc les préparer. Petit déjeuner de travail avant, oui. Ensuite déplacement en province, à Bonn pour les journées du cinéma, reallocution, rediscussion avec les élus locaux et retour à... Mais quand réfléchissent-ils alors ? Eh ben oui, c'est ça. C'est la question. On vient de comprendre. Alors, la question d'abord est de savoir s'il réfléchit. Vous avez raison. Et ça, c'est tout l'esprit de Jean-Claude Carrière que vous pouvez retrouver dans l'ouvrage Utopie, quand reviendras-tu ? Les entretiens avec Gilles van der Poten. C'est aux éditions de l'Aube où vous balayez évidemment plusieurs, pas mal de sujets. Je réponds à ces questions, oui. Exactement. Donc là, on s'est focalisé sur le politique, mais il y a bien d'autres choses. Et on en parlera tout à l'heure avec Clara Dupont-Monod vers 17h40. Il y a du sexe, je ne me rappelle plus. Restez avec nous, il y aura du sexe et Jean-Claude Carrière sur France Inter. Oh, vous avez donné envie pour les émissions. Faites-nous confiance, Jean-Claude Carrière, sur France Inter. Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié « Vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel, zoom, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum !» Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Je me fais mon mal, Johnny, Johnny, Johnny, je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny, pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, Johnny, Johnny, j'aime pas l'amour qui fait bing. Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en me laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum. Oh Johnny. Oh la vache. Oh j'en ai marre alors. Fais-moi mal, Johnny, la chanson écrite par Boris Vian. Magali Noël sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Jean-Claude Carrière jusqu'à 18h. Il y a un lien avec Boris Vian, parce que vous aussi, vous avez écrit pour Juliette Gréco. D'abord, j'ai travaillé avec Boris Vian sur plusieurs chansons, encore peut-être mieux. Même celle-là. Si ça se trouve, hein. Et après, assez longtemps avec Juliette Gréco. Oui. Et toujours, elle vous chante sur scène. Et autour de la table, Clara Dupont-Monod, Guillaume Meurice et André Manoukian qui nous parlera de musique moins compréhensible que celle de Juliette Gréco. Mais c'est toujours un bonheur d'apprendre. Mais avant cela, Jean-Claude Carrière, vous savez, à ce moment-ci de l'émission avec Alex Vizorek, il est temps d'informer la France. Charline Van Necker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Les épreuves du bac ont commencé ce matin. Oui, profitons-en, car pour beaucoup de jeunes, c'est la dernière fois de leur vie qu'ils travaillent. Oui, car rappelons que même avec une mention au bac ne permet pas de gruger dans la file à Pôle emploi. Non, et le SNALC, le SNALC, syndicat enseignant, salue la vertu égalitaire du bac, mais il est contre sa suppression, il propose juste de le restaurer. Bonne idée, car historiquement, la restauration a prouvé qu'elle était très égalitaire. Bac toujours à La Réunion, le rectorat a fait fuiter par erreur les sujets de philosophie. Manuel Valls a réagi durement. Il déclare il faut à tout prix que cessent ces fuites qui surviennent trop souvent dans les îles du Pacifique. Par ailleurs, oui, il y avait une vanne géographique. Par ailleurs, les élèves ont reçu ce matin un soutien inattendu. Oui, Nicolas Sarkozy a tweeté, je cite, « Le bac, c'est dur avant, mais c'est tellement bon quand c'est passé. » Exactement comme la présidence de Sarkozy. Passons à un article du Huffington Post. Oui, qui dévoile les notes du bac de certaines personnalités. Personne autant de la table. table, mais nous avons Nicolas Sarkozy qui a eu 9 sur 20 en philo. Mais ça veut rien dire puisque le philosophe Raphaël Enthoven n'a eu que 11 sur 20. Bah dis donc, Carla Bruni n'est pas très exigeante en autobac. Hein. Faut pas dire ça, parce que Laurent Fabius a eu 20 sur 20. Lui. Ah, ouais. D'autres personnalités qui n'auraient pas couché avec Carla Bruni. Je peux pas vous l'assurer, mais je vais vous donner les noms. C'était... Jean-Claude Carrière, lève le doigt. C'est le dernier. Bravo, vous avez gagné le gros lot. Vous avez combien au bac philo dans pas de chiffres ? Ça fait plus mal, c'est bonne. Une bonne note. Ah, vous pouvez bien coucher, bah ouais. Carla Bruni, c'était pas possible. Comme Stéphane Bern, 13 sur 20. Patrick Poivre d'Arvor, 16 sur 20. Alors, il aurait eu la même note que son voisin de banc. Mais voilà, c'est probablement un hasard. Et Katsumi, 15 sur 20. Et ah, ça me fait plaisir. On peut faire des grosses cochonneries en étant une intello. Merci Alex pour cette précision. Hein. Passons à un autre sujet. Cette année-là. Pour Katsumi, je vais faire des recherches, je vous le promets. Oui, parce que là, votre sens journalistique me surprend. Je suis d'accord avec vous. Vous avez de vrais réflexes journalistiques, Jean-Claude Carrière, c'est incroyable. Alors passons à un autre sujet. Marine Le Pen a demandé sur Twitter à ses followers de faire pression sur un journaliste, car elle estimait qu'il avait maltraité le nouveau groupe parlementaire à l'Europe. En effet, Yann-Anthony Nogues avait, dans un sujet sur BFM Télé, décrit les faits d'armes sulfureux de ses alliés dans ce groupe. Et moi, je peux comprendre la déception de Marine Le Pen, avoir comme ça un journaliste de BFM qui fait correctement son boulot, ça doit être hyper déstabilisant. On est bien placé pour le savoir, puisque dans ce groupe parlementaire, on retrouve les nationalistes flamands du Vlaams Belang. Exactement, le Vlaams Belang, dont les militants avaient à l'époque sifflé Marion Maréchal Le Pen, qui venait pourtant faire un discours bien facho, mais comme elle l'a fait en français, ils n'ont pas aimé et ils ont sifflé. Et on termine par une information de pointe. Alors, Jean-Claude Carrière voulait du sexe, c'est du lourd. États-Unis, ils braquent une banque avec un sextoy. Voilà, c'est ça. Oui, c'est une vraie info. Ah bon. C'est un Américain de 35 ans qui a été arrêté lundi. Une banque du sperme. Ah, bien trouvé. Mais non, c'est pas ça. C'était une vraie banque qu'il a braquée avec une fausse bombe dont l'un des composants était un vibromasseur. Ah bah, et sa femme alors ? Décédée, elle a explosé en dégoupillant la bombe qu'elle venait de s'introduire. Voilà, le ton est donné grâce à Alex Vizorek avec Jean-Claude Carrière. Nous sommes avec vous jusqu'à 18h et on retapisse l'actualité, hein, vous l'aurez compris. Alors, premier sujet à Versailles, les correcteurs du bac d'histoire sont priés d'être indulgents, même pour les copies dont le plan est foutraque. C'est ça l'égalité, c'est mettre à portée de tous la mention « très bien ». On nous a dit que notre fils était un surdoué. Avec sa mère, on s'est demandé d'où ça lui vient, ça. C'est quand même pas avec nous qu'il l'a attrapé. L'institutrice m'a dit ça a peut-être sauté une génération. Pour monter d'un bon arbre, une famille, c'est comme un chêne. J'ai fait un effort pour réfléchir. Dans notre chêne, il y a pas mal de blanc. Mais on n'a pas de surdoué. C'est le premier surdoué. C'est pas rigolo. Guy Bedos, surdoué. Alors, les académies craignent toujours de se situer au bas de la moyenne, au terme du bac. Et en fait, comme un candidat au bac craint de ne pas avoir les moyennes. Et tout ça, ça vient des classements. Versailles était 22e dans le dernier classement, mais c'est Versailles, quoi. En histoire géo, ça la fout mal. Derrière la Corse, ça la fout mal. Et donc, il a été demandé au correcteur de l'épreuve d'histoire géo d'être indulgent avec la forme des copies. Ça sous-entendrait que la capacité à faire un plan ou à prendre une distance critique, c'est moins important que la connaissance. C'est tellement ridicule. Baisser le niveau de l'examen pour faire croire qu'on est les meilleurs. Mais c'est Versailles, Jean-Claude Carrière. Il faut dire que l'enseignement de l'histoire, moi j'ai une formation d'historien à la base, est devenu impossible. Parce que chaque pays raconte l'histoire à sa façon. Ce qu'on appelle le roman national, c'est oui, ça ? Oui, le roman national, ou bien ce qu'on appelait autrefois les historiens du roi, les historiens de cour. En ce moment, en Chine, on apprend aux petits Chinois que le Tibet a toujours fait partie de la Chine, etc. Vous voyez, en Turquie aussi, je crois que l'enseignement est très, très discutable. Oui, oui, les Arméniens ont massacré les Turcs. On apprend même qu'André Manoukian est un philosophe français. Et les Turcs étaient là dès l'époque romaine. Oui, quelque chose comme ça partout. Y compris chez nous. Ça veut dire qu'il ne faut plus apprendre l'histoire ou comment il faut faire ou avoir plusieurs profs d'histoire ? Il faut l'apprendre d'une autre manière. Parce que je crois qu'on apprend l'histoire comme dans le Malaisac, c'est-à-dire une série d'événements, de dates, les uns après les autres, qui s'enchaînent. C'est absolument plutôt faux. On a commencé avec l'étude des mentalités, l'étude de comment on vivait, des manières de vivre. C'est Brodel. Il y a quelques années, oui, bien sûr. Mais je crois que l'histoire événementielle, elle est foutue. Je crois qu'il n'y a, pas moyen de le... Bon, à la rigueur, on peut savoir que Louis XIV vivait au XVIIIe siècle, mais à part ça... Et qu'est-ce que vous pensez des récentes critiques sur la réforme du collège, avec notamment l'enseignement d'histoire, à qui on reproche d'être trop tourné vers le côté papa, repentance, mémoriel, victimaire? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous avez des élèves en France aujourd'hui dont les parents sont en grande partie d'origine africaine, maghrébine ou... Comment on leur parle, on veut leur faire aimer leur pays, qui est la France. Comment on leur parle de la colonisation? On ne peut que leur mentir. Si on leur raconte ce qu'on a fait chez eux, à leurs parents et grands-parents, comment voulez-vous qu'ils aiment le pays qui leur enseigne ça? C'est pas possible. Vous voyez, il y a une série de contradictions. Moi, je connais pas mal de professeurs d'histoire qui ne savent pas comment faire. Et qui cherchent des ruses, qui cherchent des à peu près, qui occultent certains événements. C'est très très difficile, surtout l'histoire contemporaine. Bon, que l'histoire de Jules César, si c'est pas tout à fait exact, on s'en fiche un peu. Mais et encore. Vous conseillez de mettre ça sur les copies aux lycéens, mettre. De toute façon, on peut pas savoir. Donc. Non, mais ce serait le début d'une réflexion sur la discipline historique. C'est vrai. Et de distance critique. Et de distance critique. Oui. Et on essaie de faire depuis des années un manuel d'histoire franco-allemand. On n'y arrive pas des deux côtés. La bataille de la Marne est une victoire. Alors, la victoire de la Marne d'un côté, la victoire de la Marne de l'autre. Qui a gagné? Alors qu'elle devrait être une défaite des deux côtés. Oui. Toute bataille est une défaite, de toute façon. Et il y a aussi donc l'œil de l'historien Jean-Claude Carrière dans cet ouvrage Utopie, quand reviendras-tu, aux éditions de l'Aube. On va en reparler tout à l'heure avec Clara Dupont-Monod. Et là, c'est l'instant de André Manoukian, que vous connaissez bien, Jean-Claude Carrière. Je le connais, Parce qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas. Il y a des filles qui essayent d'oublier. Alors si c'est difficile avec l'histoire, la musique nous donne des marqueurs. Et c'est ça qui est intéressant. C'est des marqueurs avec lesquels on ne peut pas tricher. Ouais. Parce qu'ils ont été transmis d'une manière orale, qu'ils ont été amplifiés de génération en génération, qu'ils ont franchi des frontières et qu'ils se sont enrichis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un musicien turc que j'aime beaucoup. Il s'appelle Merkan Dede. Mais auparavant, un tout petit peu d'histoire. Notre conception européano-centré qui placerait la naissance du logos, autrement dit du discours rationnel en Grèce au 6e siècle avant Jésus-Christ, est complètement fausse. Comme si tout ça était sorti ex nihilo, le miracle grec, mais fesse. L'origine de la pensée est en Inde. C'est pas Jean-Claude Carrière qui va me contredire avec ça. Tous les philosophes grecs dignes de ce nom, c'est peut-être Jean-Claude Carrière qui va me contredire donc. Tous les philosophes grecs dignes de ce nom ont fait le voyage en Inde. Ils sont tous allés fumer des pétards à Katmandou, bien avant le flower power des années 60. Pythagore, Parménide et Démocrite, le plus grand de ceux qu'on appelle les présocratiques. Là-bas, qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Des gymnosophistes. C'est quoi des gymnosophistes? En grec, ça veut dire sages nus. En fait, ils ont rencontré les ascètes qui renoncent à tous les plaisirs, au vin, y compris aux femmes. Et qui ne sont pas des autoroutes, il faut le préciser. Les ascètes. Merci, Guillaume. Je vous en prie, à votre service. C'est des yogis, oui. Exactement, mais ça les a beaucoup marqués. En fait, ils ont passé leur temps à se battre, hein, les Grecs et les Perses. Aujourd'hui encore, dans les néo-péplums qui sévissent à Hollywood, du type Alexandre le Grand, de Laurence Cashdan, au pire encore 300, on nous présente les Perses comme des barbares dépravés. Mais fesse encore. Leur civilisation perse était quasi millénaire, et c'est vrai que s'ils passaient leur temps à s'avoiner copieusement avec les Grecs, ils échangeaient aussi leur culture, leur science et leur philosophie. Et les Grecs qui s'imprégnèrent de cette sagesse orientale, curieusement développaient une philosophie matérialiste. Tout ce dont on est sûr, nous dit Démocrite, c'est que l'univers est fait d'atomes et de vide. Le gars, il dit ça au 4e siècle avant Jésus-Christ et il n'avait même pas de microscope à balayage. Balèze quand même, non? Mais il avait YouTube quand même. Et ouais. C'est pareil avec la musique. La musique est née en Inde avec les ragas. Les ragas, c'est quoi? C'est des petites cellules mélodiques et rythmiques qui ont chacune leur signification. C'est comme ça qu'on apprend, comme si on apprenait à parler avec des petits bouts de phrases. Sauf qu'il faut en connaître 1000 pour être un musicien digne de ce nom. L'enseignement se passe de maître à disciple. Il faut au moins 12 années d'apprentissage pour pouvoir se passer de son maître. Le rapport donc avec le maître capital, voire parfois tyrannique, souvent conflictuel. L'apprenti vit chez lui et s'acquitte de tâches domestiques pour lui régler son enseignement. Le langage des ragas est codé et peut prendre plusieurs significations. Il y a une musique pour séduire, une musique pour défier, une musique pour accompagner les différents moments de la journée. Raga du soir, espoir, raga du matin, chagrin. Bref, on n'a pas envie d'écouter la même musique suivant le même moment et c'est complètement logique. C'est pour ça que les Indiens ont cette conception, on ne joue pas n'importe quoi suivant l'heure qu'il est. Alors ensuite, quand ça passe en paire, ça devient les makams. Les makams sont moins nombreux, mais c'est le même principe. On établit une gamme commune à nous tous autour de la table. Admettons qu'on soit six musiciens ici, on peut rêver un petit peu, hein, Charline, on peut rêver, Clara. Et ben tout d'un coup, on va se dire un makam. Par exemple, on va se dire le oh, ta grosse makam. Non, c'est ton gros makam. Qu'est-ce qui se passe, Clara, du coup, mono, qu'est-ce qui vous prend? Un makam, c'est un agencement de notes et tout d'un coup, on va se mettre... Vous êtes à la radio, Clara du Pomono, il y a un micro devant vous, regardez. Mais tenez-vous, nous sommes avec Jean-Claude Carrière. Oui, enfin, il fallait l'interruption. Il faut dialoguer tous ensemble. Voilà, c'est alors permettre à plusieurs musiciens de délivrer une musique harmonieuse et de jouer ensemble pendant des heures, sans partition, sans s'interrompre, c'est ça le miracle de la musique orientale. Et bien c'est de tout ça qu'est porteur Merkan Dede. Ce musicien turc est un joueur de ney. Le ney, c'est une grande flûte qui produit le son d'une femme qui pleure d'extase. Ne riez pas, l'extase est le but ultime du musicien et du soufi. Littéralement, extase, ça veut dire sortir de son corps. Et je dois avouer que plus d'une fois, à l'écoute de la musique soufie, eh ben, je me suis moi-même retrouvé dans le corps de ma voisine. L'extase du poète soufi Rumi est l'inspiration principale de Merkan Dede. Rumi était un poète persan du XIIIe siècle qui va influencer toute la sagesse orientale, notamment les derviches tourneurs. Vous savez, ces danseurs avec des grands chapeaux sur la tête qui tournent en rond en tentant, eux, de ne pas se retrouver dans le corps de la voisine. Merkan Dede a quitté sa Turquie pour faire des études à Montréal. Il a rencontré la techno. C'est une alliance plus qu'originale qu'il nous propose entre l'Orient et l'Occident. Heureusement que les musiciens sont là pour recréer le dialogue que les démagogues du monde entier ont interrompu. Je vous conseille un film. Il est de Fatih Akin. C'est un documentaire sur la scène musicale d'Istanbul, la ville la plus funky du monde en ce moment. Grâce à Dédé Manoukian. Alors, son disque ne date pas d'hier. Cet album est sorti en 2000, mais revisitez toute sa discothèque. Vous allez sur YouTube et c'est somptueux. Voilà. Voilà, Merkan Dédé sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Jean-Claude Carrière qui publie Utopie, quand reviendras-tu aux éditions de l'Aube, des entretiens avec Gilles Van Der Potten. Donc, Clara Dupont-Mono nous parlera dans quoi? Allez, 10 minutes. Voilà, Manoukian est passé, donc avant 18h. Jean-Claude Carrière, le trublion à vos côtés, pratique un genre particulier qui s'appelle la comédie d'investigation. Enfin, je ne fais pas exprès, hein. Ça, à la base. Oui, vous allez voir que tout fonctionne sur un malentendu avec Guillaume Meurice. Oui, effectivement, puisque aujourd'hui débutaient les épreuves du bac avec la philosophie. Et je voudrais avoir une pensée émue pour le correcteur du bac de philo d'André Manoukian, s'il a survécu, hein, bien évidemment. Moi, je me rappelle du sujet. Salut. Alors, allez-y, c'était, André. Peut-on concevoir un état sans violence? Oh, le pauvre. André, vous avez dû rendre une copie avec 147 pages, 812 citations de Gilles Deleuze, 134 références à la respiration anale. Un enfer! Mais ce matin, les élèves du lycée Molière à Paris étaient moins inspirés que vous, André. Témoin, le premier sorti de l'épreuve, qui commençait à 8h. Alors, est-ce que ça s'est bien passé? Assez moyennement, parce que philo, c'est pas ma matière où je suis plus fort. Bah oui, parce que là, il est quand même 9h15. Ouais, bah en fait, j'ai pris le texte, donc c'est le sujet le plus court à faire. Et le texte, il parlait de quoi? Le texte, c'était un texte de Cicéron sur la divination. Donc c'était le texte de la divination, et ça parlait en fait, ça expliquait... globalement, c'est expliqué que les augures et la divination, parce que ça, à l'époque, c'était faux, car il y avait le hasard qui, en fait, à cause du hasard, ça pouvait pas exister, en fait. Voilà. Alors, on sent clairement qu'on n'a pas affaire à un spécialiste, hein, de Cicéron. On sent même qu'il a plutôt misé lui-même sur le hasard pour choisir le sujet. Il y en a qui sont plus à l'aise, quand même, notamment cet autre lycéen sorti un quart d'heure plus tard. C'était Cicéron, voilà, un texte de Cicéron qui prenait la logique sur la prédiction d'événements fortuits. Et ça, ça vous a inspiré? Ah, franchement, ouais, j'ai pu démonter tout leur délire, ça m'a éclaté. Ok, donc le gars a démonté les délires de Cicéron en 1h30, très impressionnant. Pas les délires de Manoukian, hein, ça, en un tweet, c'est bon. Mais ceux de Cicéron, hein, je précise. Bon, on continue avec un autre lycéen sorti sur le coup de 10h. Comment ça s'est passé? Pas trop bien. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit n'importe quoi. Mais quel genre alors? Bah le genre que quand je me suis relu, même moi j'ai pas trop compris ce que je cherchais à dire. Ah, vous voyez? Alors, on retrouve un rapport assez direct avec André Manoukian. C'est fou ça. Non, je plaisante André, bien sûr. On sait très bien que vous ne relisez pas. On continue avec un autre lycéen sorti encore un petit peu plus tard, un peu frustré mais... Mais je me suis débrouillé et voilà, j'ai tout donné, quoi. Surtout, j'ai tout donné. Attendez, vous avez tout donné, mais vous êtes sorti à quelle heure? Ah, bah, il y a 11h. Hein. Voilà, mais c'était pas jusqu'à midi? Si. Voilà. Donc, lui, il fera pas philosophe, on en est sûr, mais il peut faire sportif français. Hein, on reconnaît bien là la méthode de tout donner, mais pas jusqu'au bout. Ça, c'est une spécialité du sportif français. Il me fait penser à Tsonga. Bah, là, j'ai tout donné, là, sur les 2-7. Bah ouais, mais un match de tennis, c'est en 3-7 gagnant, Joe. Ah bon? Ah ouais, c'est pour ça, je me demandais pourquoi il continuait à jouer tout seul, l'autre. Voilà, donc ça, ce candidat-là, il est prêt pour faire sportif français. Alors, on a entendu à la fin du son, hein, ses camarades se moquer un peu de lui, notamment une lycéenne très en verve. Allons à sa rencontre. Bon, et quel est votre philosophe préféré, alors? Caris. Alors, Caris, ça c'est intéressant, on va s'arrêter là-dessus. Moi, je ne connaissais pas. Si, hein. Si. Non, mais c'est vrai, en termes de philosophie contemporaine, moi je me suis arrêté à BHL, vous voyez, hein, le fameux disciple de Jean-Claude Van Damme. Parce que je vous rappelle que c'est la lecture du fameux traité sur le high kick qui a décidé BHL, hein, puis l'intervention militaire en Libye, hein, ça c'est véridique. Alors, Caris, c'est un rappeur, et avec lui, on est plus dans la poésie que la philo. Il est l'auteur de ce vers, je le cite, « Je veux que la vie me fasse une gâterie ». Fin de citation. Alors, c'est pas mal. C'est un décasyllabe, voilà. Oh, on est plus proche de Patrick Sébastien que de Baudelaire, mais artistiquement, ça se défend. Et ça tombe bien parce que cette jeune fille avait pris un sujet sur... Ouais, j'ai oublié. Ah, voilà. Attendez, ça va revenir. Le sujet 1, qui est les œuvres d'art... Les œuvres... les œuvres d'art... Bon, alors je vais t'aider un petit peu, ma grande, hein, parce qu'on va pas y passer la nuit non plus. Elle a pris le sujet, une œuvre d'art a-t-elle toujours un sens? Intéressant, hein, toujours avec ce rapport à Manoukian, hein, version Nouvelle Star cette fois-ci. Je plaisante, André, je vous taquine. Évidemment que les chanteurs de la Nouvelle Star n'ont rien à voir avec l'art, mais plutôt avec le commerce, bien évidemment, c'est différent. Alors, une œuvre d'art a un sens ou pas? Ça dépend vraiment de l'ouverture d'esprit de chacun. Ouais, mais est-ce que vous avez cité Christophe Maé? Ah non, moi j'ai pas cité Christophe Maé, pas dans voilà, la... C'est l'erreur, je pense. Mais j'ai cité Victor Hugo, Les Misérables. Ça, on s'en fout, personne connaît. Ouais, parce que personne connaît, oui. Bah, j'aurais très bien pu citer Gradure, On n'est pas tout seul. Alors ça, c'est un philosophe des temps modernes, 59. On représente la zone. On représente la zone. Alors attendez, on va s'arrêter là-dessus aussi. C'est encore un rappeur, mais philosophe cette fois-ci, du 59, c'est-à-dire du département du Nord. Alors d'un coup, ça m'intéressait beaucoup. Je suis allé découvrir son œuvre sur Internet et je vous en propose un extrait. 21, Blackjack, verre de cognac, Jack, je fais ça, grognasse, clac, roule un grognac, grosse coupure, grosse fesse, grosse fesse, grosse fesse, grosse fesse, grosse fesse, grosse fesse, elle guette la taille des jambes, je vois mon verre de ponche, elle ouvre les jambes et j'insère mon jeton dans. Papa, papa, papa, tu insères ton jeton où tu veux, mais ça ne nous regarde pas, jeune homme. Là, je crois qu'on s'éloigne un peu de la philosophie. Encore que ce type de rappeur est un bon encouragement pour tous les élèves. Si vous ne voulez pas finir gradure, lisez Platon, Sénèque et Spinoza. Et si vous pensez que ça vous servira à rien pour trouver un boulot, dites-vous que ça vous aidera au moins à apprendre le monde du travail, pardon, le monde du chômage avec philosophie. Merci Guillaume Meurice, voilà qui nous change des reportages. Est-ce que l'invité peut se permettre de critiquer maintenant? Ah bah allez-y, oui, Jean-Claude Carrière. Que, mais parce que je vais y aller, moi. Pas, ce n'est pas un décasyllabe, c'est un alexandrin. Ah. Je veux que la vie me fasse une gâterie. J'aurai une mauvaise note et puis voilà. Jean-Claude Carrière est vigilant. Voilà, et on est avec lui jusqu'à 18h. Deuxième sujet d'actualité, hein, puisqu'on fait cette émission. Le pape publie une encyclique sur l'écologie et le climat. C'est Nicolas Hulot qui lui aurait soufflé l'idée, d'après Libération, par l'entremise de cardinaux influents, la religion comme vecteur pour protéger la création. Hein. Alors, faut-il croire à la défense du climat ou faut-il penser la défense du climat? Vous avez jusqu'à 18h. Quels sont les enjeux du réchauffement climatique? Bah, c'est la glace des pôles qui font trop vite sur la capote glaciaire. Capote ou calotte? Bah, les deux, de toute façon, c'est au même endroit. Voilà, on ne le répétera jamais assez. Contre le sida, la capote, pas la calotte. Il y en a un qui sert, l'autre pas du tout. Jean-Claude Carrière, vous avez cette fibre écologiste, donc vous n'êtes pas un converti, ça fait très très longtemps. Ce vecteur religieux pour lutter contre le réchauffement climatique, vous y croyez? Oui, ce qui est très frappant dans les problèmes d'écologie, c'est qu'on ne parle jamais de démographie. Ça, c'est une chose qui est exclue. On parle de tous les dégâts, toutes les dévastations que nous apportons à la planète. Mais pourquoi? Parce que nous sommes de plus en plus nombreux. Nous sommes ultra nombreux. Rapport à la capote, la calotte. C'est une parole biblique. Ouais. Allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, il est très difficile pour l'Église de se mettre en contradiction avec cette parole fondamentale. Le jour où ça viendra, peut-être, ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle défend toute espèce de contraception, etc. Oui. C'est dans cette tradition-là qu'il faut voir l'œil de l'Église sur l'écologie. Alors voyons ce qu'il écrira dans l'encyclique. Alors le texte est déjà fuité, comme on dit, sur Internet, mais il sera publié demain. Alors, je me disais, si les militants de la Manif pour tous, donc les militants contre le mariage homo, et si tous les gens contre l'avortement mettent autant d'énergie à lutter dans le climat, on tient quand même une solution, Jean-Claude Carrière. C'est-à-dire, oui, peut-être. Oui. C'est-à-dire qu'ils mettent autant d'énergie dans ces combats-là et dans la lutte pour la préservation de l'environnement. Mais il ne s'agit pas de mettre tranquille de l'énergie dans la lutte contre le climat. D'abord, on ne lutte pas contre le climat, mais pour. Hein, contre le réchauffement contre climatique. Contre le réchauffement climatique. C'est, à mon avis, qui est médité longtemps, je connais assez bien cette question, à mon avis, c'est foutu. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage, d'ailleurs. C'est foutu pour l'humanité. Tout n'est pas foutu, mais dans, je ne sais pas, 10, 15, 20, 30 ans, c'est difficile à dire. Une crise écologique sans précédent va s'abattre sur la planète. Il aurait fallu anticiper il y a un demi-siècle, vous dites. Il y a à peu près un demi-siècle, oui, au moins. Hop, donc on s'en fout, on continue alors. Vous ne pensez pas comme Claude Allègre qu'avec la science déjà, et la technologie, y a une contradiction dans votre phrase, André. On est en train de trouver des choses qui vont résorber naturellement toutes ces saletés. Je travaille en ce moment avec un groupe de scientifiques qui sont partagés, mais disons l'immense majorité, la plus grande majorité de mon avis, certains pensent encore, rêvent qu'on va pouvoir trouver l'énergie miraculeuse dont tout le monde parle et qui va remplacer le pétrole. On peut remplacer le pétrole, mais on ne peut pas remplacer les pétroliers. Et oui, mais c'est le genre de fulgurance que vous pouvez trouver dans Utopie. Quand reviendra-t-il? Je ne suis pas sûr d'avoir l'ouvrage de Jean-Claude Carrière. Non, les marchands de pétrole. On peut les supprimer, les marchands de pétrole. Ils peuvent dire autre chose. Vous n'allez pas relancer le débat comme ça. Si on écoutait Clara Dupont-Mono. Ah oui, Clara Dupont-Mono, vous voulez prendre bien du temps de parole à Clara Dupont-Mono? Non, surtout pas. Qui va nous parler de l'ouvrage de notre invité? Ah bah oui, en plus. Eh bien oui, parce que l'actualité... Pardon. Le jingle. Donc c'est ce livre qui s'appelle Utopie, quand reviendras-tu? Alors, il y a un message assez politique, hein, bien sûr, quand même, dans ce livre. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'à travers ces entretiens que vous avez réalisés, se dessine, en creux votre portrait. Et ce portrait, il est très touchant parce que c'est celui d'un homme de la terre. Vous êtes né dans une famille de paysans du sud de la France, sans eau courante, sans chauffage, sauf le feu, et vous avez fait vos devoirs sous une lampe à pétrole. C'est pas si courant quand même. Pas de télé, bien sûr, pas de livres ni de journaux, autrement dit... Pas d'image sur exactement, les murs. Vous dites pas d'image. Et vous écrivez, difficile d'imaginer ce que pouvait être un monde sans image du monde. Le jour où vous découvrez les images, notamment une photo de Daniel Darieux au bord d'une piscine, ce qui n'est pas rien, eh bien c'est... Je lui ai écrit un poème. Voilà, exactement, c'est Noël. Et beaucoup plus tard, ce qui est ça qui est intéressant, dans quoi est-ce que vous allez travailler, Jean-Claude Carrière, entre autres ? Eh bien dans le cinéma, c'est-à-dire que vous allez devenir fabricant d'images. Vous avez même fondé, je le rappelle, et dirigé la FEMIS, qui est l'école de cinéma par excellence. Alors il y a aussi un revers quand même à cette absence d'images dans votre enfance, et ce revers, c'est votre méfiance vis-à-vis de l'information. Vous avez écrit un livre avec le Dalai Lama, et dans ce livre, vous disiez, aucun journaliste ne sait ce qu'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que vous dénonciez le fait qu'une bonne nouvelle ne fait pas vendre, le malheur en général rapporte plus de suffrages que le bonheur, et parce que vous avez grandi sans information, cette logique médiatique un peu intrusive, un peu racoleuse, eh bien forcément elle vous saute aux yeux, vous avez une vraie distance. Alors vous voyez, vos racines ont pesé, mine de rien quand même, de tout leur poids sur votre vie d'adulte, et on peut même dire que votre enfance, elle a toujours été là en fait, elle a toujours décidé de vos engagements. Autre exemple, tout petit, vous voyez votre père ramasser des clous tordus par terre, il le remet droit d'un coup de marteau, c'est le début de votre conscience écologique. C'est-à-dire que pour vous, gâcher, jeter, c'est une hérésie. Et d'ailleurs, vous dites que votre famille n'avait même pas de poubelle. Non, c'est non. Vous dire. Pas seulement ma famille. Autour dans, de vous, dans, c'était dans pareil. Village, vous dites que vous brûliez tout ce qui était superflu, brûlait, voilà, mais oui, il n'y avait pas de poubelle. Poubelle. Et bien sûr, l'agriculture chimique, pour vous, c'est une ennemie de la première heure. Et vous écrivez... C'est venu vers la fin des années 50. Ouais, d'accord. Oui. Et vous écrivez, nous sommes un peu comme un obèse qui a trop bouffé, qui a eu une attaque cardiaque et auquel on donne comme remède de continuer à manger. Et là aussi, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a un pragmatisme un peu de paysan qui ne vous a jamais quitté et qui consiste à dire, l'hypercroissance, a priori, c'est pas compris dans les règles de la nature. Donc ça, c'est un rêve plutôt mégalomane et plutôt dangereux. Moi, je trouve ça magnifique qu'une enfance enracinée comme ça puisse à ce point éveiller et ouvrir. C'est vraiment le mouvement du bas vers le haut. Et vous en avez même fait votre cheval de bataille. Vous expliquez à un moment que pour être universel, il faut partir du particulier. C'est parce qu'elle a un ancrage territorial qu'une œuvre pourra parler à tout le monde. Et vous avez raison. Marcel Proust, je rappelle qu'il a conquis la planète entière à partir de Cabourg, qui est une petite ville normande. Dostoïevski a planté Crime et châtiment dans les rues de Saint-Pétersbourg. Et Don Quichotte de Cervantes commence par cette phrase. Dans une bourgade de la Manche, en Castille. Je ne parle même pas du retour de Martin Guerre. Non, attendez, il faut continuer la phrase de Cervantes, qui est une des plus mystérieuses de l'histoire de la littérature. Dans un village de la Manche que je ne veux pas nommer. Oui, c'est vrai, il ne nomme et pas. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui dans la Manche deux villages qui se disputent l'honneur d'avoir donné naissance à Don Quichotte. Avec sa tombe, ils vont porter fleurs chaque année, etc. D'un héros de fiction devenu un héros de division. Voilà, puis c'est le que c'est enraciné. Et je parlais justement du retour de Martin Guerre que vous avez co-scénarisé, qui est enraciné dans un petit village français. On ne peut plus enraciner, qui a fait le tour du monde et qui a été adapté partout. Et bien c'est ça, c'est qu'à chaque fois l'histoire... Parce que pour qu'une histoire aille partout, il faut toujours dire ça, il faut qu'elle vienne de quelque part. Voilà. Et pour qu'elle soit entendue par tous, il faut qu'elle soit dite par quelqu'un. Voilà, c'est l'idée de la voix... Chaque grand auteur utilise une langue inconnue. Et après, il rajoutait que chaque écrivain est un traducteur. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, vous rappelez que dans les années 70, la mode, il y a eu une mode à un moment qui consistait à produire des films internationaux. Ah oui, voilà. Alors vous dites, il fallait un metteur en scène anglais, un scénariste italien, un acteur allemand, etc. On les appelait les Middle Ocean Pictures, les films du milieu de l'océan. L'idée, c'était de conquérir les rives du monde. Oui, le résultat, c'est que ça s'est noyé. Ça a été un fiasco. Et vous écrivez, sous prétexte de prendre des éléments qui viennent de nations différentes, on croit faire un film pour tous, alors que c'est tout le contraire. Les morceaux demeurent séparés et nous restons à la surface des actions et des sentiments. Alors que, c'est ce que vous venez de démontrer, une histoire qui vient de quelque part va générer une voix particulière, et c'est cette voix qui va pouvoir résonner dans le cœur de chacun. Pour entendre la vôtre, il y a donc votre livre, dont je rappelle les références, Utopie, quand reviendras-tu, de vous, Jean-Claude Carrière, et c'est paru aux éditions de l'Aube. Entretien avec Gilles van der Poten, qui est auteur et qui dirige l'ONG Reporters d'Espoir. Voilà. Merci Clara Dupont-Monod. Nous sommes donc avec Jean-Claude Carrière et on va aborder avec vous le troisième sujet. Vous l'avez bien habillé. Qui vous êtes... qui vous êtes intime. C'est Gérard Depardieu. Il est de retour et il est partout. Par exemple, sur un portrait d'une page dans Le Monde daté d'aujourd'hui et intitulé Le déraisonnable. On se demande bien pourquoi. Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse. Pourquoi tu veux que je t'en parle, salope? Chercher un protecteur puissant? C'est pas politique, moi. Prendre un patron? Les emmerdes. Comme un lierre obscur qui circonvient à un tronc et s'en fait un tuteur en lui laissant l'écorce. Non, c'est parce que j'ai pissé dans un avion, j'ai un passeport russe. Frappé par ruse! Au lieu de s'élever par force! Les emmerdes! Non, merci! Gérard Depardieu qui revient au cinéma tout auréolé de Valley of Love, présenté à Cannes et encensé par la critique avec Isabelle Huppert. Un très beau portrait par exemple dans Le Monde daté d'aujourd'hui, il est partout Gérard Depardieu. Il a maigri, hein. Il a maigri, oui. Alors il y a un très beau portrait, une très belle photo aussi qui date de 2014 là. C'est l'homme à étiquette, hein, aussi ami des dictateurs, affairiste, évadé fiscal, mais aussi Danton, Obélix, Porto, Cyrano, Vatel, Monte Cristo. Votre Gérard Depardieu, Jean-Claude Carrière, est-ce que vous le reconnaissez dans toutes ces étiquettes? J'ai été un des premiers financiers du Café de la Gare, où j'avais mes entrées gratuites tous les soirs. Donc il y avait Depardieu, Patrick Devers, Miu Miu, etc. On est restés tous très copains. Et je le connais depuis ce temps-là. Et j'avais senti, j'étais pas le seul, qu'il avait un talent exceptionnel. Et je l'ai mis... J'ai demandé à plusieurs de mes copains, Jacques Deré dans Un peu de soleil dans l'eau froide, à Jean-Louis Buñuel dans Un autre film, de lui donner un petit rôle. Donc c'est moi qui lui ai donné ses premiers petits rôles avant les valseurs. Vous l'avez mis pied à l'étrier, on peut oui, dire. Oui, oui, oui. Ouais. Et chaque fois, il était formidable. C'est un acteur exceptionnel. Moi, je pourrais en raconter sur lui pendant des heures, parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui. Fait Danton, Cyrano de Bergerac, etc. Mais il y a une passion française pour lui aujourd'hui, parce que au-delà de... C'est le plus grand acteur du cinéma français, de toute façon. Il incarne le cinéma français, mais il y a aussi la truculence, le talent mélangé à la provoque, et son regard sur l'actualité et le monde. Oui. Il est très, très sollicité pour ça. Il dit des choses un peu dingues. C'est peut-être moins... par exemple, dans Le Monde, il explique que je pense que Poutine est le seul qui puisse ressembler à De Gaulle. Voilà. Oui. Et en même temps, à côté, il est capable de dire, dans les années 70-80, le cinéma pouvait être en avance sur la société. Aujourd'hui, on est dans la pornographie, en ce sens qu'on ne parvient plus à le distinguer de la réalité. Il n'y a plus de distanciation, plus de véritable indignation. Oui, ça, il faut toujours se méfier des gens qui estiment que c'était mieux avant. Oui. Hein, toujours, méfions-nous de ça. Gérard, c'est un très grand acteur, mais il faut le maintenir dans son domaine. Il faut avoir une grille de lecture. Il parle très, très, très bien de son métier. Je l'ai amené un soir à la Fémis, devant les étudiants de la Fémis. Ça a duré toute une nuit. Et c'était merveilleux, la façon dont il parlait. Par exemple, quand il dit comment il prend un scénario. Bon, moi, je déchire le papier. Ça, c'est magnifique comme expression. Et je passe à travers. Et c'est vrai qu'il le fait. Il a une façon d'ajouter quelque chose au texte que vous lui offrez qui est exceptionnel. Comme Manoukian avec ses chroniques. Hein. Et comme Alex Vizorek et Guillaume Meurice, attention, oui, comme la comparaison. Je ne sais pas. La transition est comme vous voulez. En tout cas, vous avez adapté Cyrano de Bergerac avec Jean-Paul Rapneau. Et depuis Cyrano, je crois que la plus grande plume que la France connaisse, c'est Henri Guénaud. Et j'ai décidé de les fusionner. Une des plus grandes. Une des plus grandes. Voilà. Donc j'ai décidé de les fusionner. Guillaume Meurice fait Nicolas et je fais Sir Guénaud de Sarkozac. Sir Guénaud, vous manquez, votre plume fait défaut. J'ai toute mon énergie, mais je manque de vos mots. Voulez-vous, mon ami, reprendre votre travail? Voilà votre encrier, et puis voilà la maille. Je ne peux refuser en voyant ces millions, facturés par deux fois, remerciez Big Malion. Que vous faut-il, mon brave? Quel discours pour vous plaire? Voulez-vous plus du fond ou plutôt du Karcher? Qu'importe le contenu, je veux que la France bande. Je ne veux pas du moyen, je ne veux pas du Hollande. Et si quelques JT peuvent dire la France a peur, je veux être l'homme qu'il faut, qui prend de la hauteur. Pour prendre de la hauteur, vous venez de bien loin, et vos belles talonnettes n'y feront sans doute rien. Je suis court, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point l'escabeau sous mes pieds. J'ai été clair, je crois. La feuille blanche est prête. Je m'y mets de ce pas jusqu'en 2017. Sir Guénaud, soyez bon, et cette fois plus d'écart. Ne me refaites pas un discours de Dakar. Quant à vous, Nicolas, plus d'improvisation. Ne me refaites pas le coup du casse-toi, pauvre con. Entendu, partenaire. Nous revoilà unis. L'équipe se reforme pour le grand Sarkozy. Je me sens rajeunir. À la conquête, partons. me reste plus qu'à convaincre l'ami Patrick Buisson. Bravo les amis. Et c'était Lisa Alexandra. Un texte d'Alex Vizorek. On a essayé, il y a peut-être des pieds qui se sont égarés. C'était un texte en Alex Vizorek. C'est 11 pieds et demi. Mais... ça, c'est une métrique turque très difficile. En hommage à notre invité Jean-Claude Carrière, on était flattés, ravis de vous avoir avec nous. On a pris de la hauteur sur tous les sujets. Jean-Claude Carrière, vous prenez aussi de la hauteur dans cet ouvrage Utopie, quand reviendras-tu ? Ces entretiens avec Gilles Van Der Poten, publiés aux éditions de l'Aube. Demain, nous recevrons Michel Faux. Ah, je vais le voir ce soir. Voilà. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Je pensais à vos écouteurs que utopie, ça veut dire utopos, pas de lieu. Topos, comme topographie, c'est un lieu en grec. Utopie, c'est là où il n'y a pas, ça ne se passe nulle part, quoi. Et ouais, peut-être ici, c'est une utopie. Oh, c'est bon, à l'écouter, ça, on va pas s'en remettre. Alors, on aurait voulu vous laisser ce mot de la fin, mais on va ajouter quand même un petit mot pour les candidats au bac. Moi, mon avenir est tout tracé. Bac ou pas bac, je serai ministre au minimum.